Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 15 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Rémi. Le dicton nous dit au milieu de janvier, à moitié vide et le grenier. Pas de célébration internationale aujourd'hui et dans les événements qui se sont déroulés un 15 janvier, on parle littérature puisqu'en 1898 avait lieu la parution de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Allez, on fait un point sur l'actualité en région. Ce que j'ai à vous communiquer, ça nous vient toujours de la mairie de Remiremont. La cérémonie des vœux à la population aura lieu ce samedi 18 janvier à 18h30 au Palais des Congrès. Tous les Romarimontains, Romarimontaines sont cordialement invités. À noter que lors de cet événement, le maire répondra à 3 questions tirées au sort. Si vous avez une question à poser au maire, eh bien, n'hésitez pas à la poser et donc vous pouvez l'adresser soit par courrier, soit par mail à l'adresse mairie@remiremont.fr, message privé sur la page Facebook de la ville ou tout simplement la déposer à l'accueil de la mairie. Et on continue avec de la photographie. Chaque année, le village le plus haut perché des Vosges, le Haut-du-Taux, propose des expositions de photographies à ciel ouvert intitulées Les Sentiers de la Photo. Deux de ces sentiers sont détournés à Remiremont sous les arcades rue Charles de Gaulle et ce jusqu'au 9 février. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Pitbull et le titre I Know You Want Me. Petit souvenir. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know cuatro. You want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. To the top, yeah. Pit got it locked from Goose to the lock. To the R.I.P. a big impactor that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with Pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, sí. Ella quiere su rumba. Rumba, sí. Ella quiere su voy a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4. Pitbull, I know you want me sur RGM. 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 15 janvier 1950, naissance de Marius Trésor, ancien footballeur français du début des années 70 au début des années 80, considéré comme un des meilleurs défenseurs français de l'histoire. Il a joué donc de 1969 à 1984 à l'AC Ajaccio, à Marseille ou encore à Bordeaux. 1971, naissance de Regina King, actrice américaine, vue dans Jerry Maguire dans le rôle de Marcy Tidwell, ennemie d'État dans le rôle de Carla Dean, dans Ray dans le rôle de Margie Hendricks, Miss FBI divinement armée, la série télé 24 heures chrono dans la saison 6 dans le rôle de Sandra Palmer, ou encore The Big Bang Theory. 1975, naissance de Mary Pierce, ancienne joueuse de tennis française, ayant fait carrière de 1989 à 2006, qui en simple a été numéro 3 mondial, qui a gagné une fois l'Open d'Australie ainsi qu'une fois Roland-Garros, une fois finaliste à l'US Open et quart de finaliste à Wimbledon. En double, numéro 3 mondial également. Elle a gagné une fois Roland-Garros, une fois finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à l'US Open et huitième de finaliste à Wimbledon. Elle a remporté 2 Fed Cup avec l'équipe de France, c'était en 97 et 2003. Elle a été capitaine adjointe de l'équipe de France de Fed Cup durant la saison 2017. 1978, naissance d'Eddie Cahill, l'acteur américain vu à la télévision, tout d'abord dans quelques épisodes de la série Friends dans le rôle de Tuck Jones, Les Experts Manhattan dans le rôle de Don Flagg Jr. des saisons 1 à 9, Under the Dome dans le rôle de Sam Verdreau, vu également dans Charmed, Dawson ou encore Los Angeles Bad Girls. 1981, naissance de Pitbull, rappeur américain. 1987, naissance de Michael Sitter, acteur américain connu pour son rôle de Derek Venturi dans la série télé Derek. Allez, comme tout les mercredis, on fait un point sur les sorties cinéma. On commence tout de suite avec le film intitulé 1917, drame historique, guerre de Sam Mendes avec George MacKay, Dean Charles Chapman ou encore Mark Strong. Autre film, Swallow, drame de Carlo Mirabella Davis avec Halle Bennett, Austin Stowell ou encore Dennis O'Hare. Autre film, Une belle équipe, comédie de Mohamed Hamidi avec Kadmerad, Alban Ivanov ou encore Céline Salette. Autre film, Selfie, comédie de Thomas Bidguin, Marc Fitoussi et Tristan Harouet avec Manu Payet, Blanche Gardin ou encore Elsa Zilberstein. Et Elsa Zilberstein, on la retrouve également dans le film Je ne rêve que de vous, drame historique de Laurent Henneman, aux côtés donc d'Elsa Zilberstein, d'Hippolyte Girardot ou encore d'Émilie Dequesne. Voilà pour les sorties cinéma. On va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec le chanteur Harry Nilsson qui nous a quitté un 15 janvier, c'était en 94, chanteur compositeur américain. Si son nom ne vous dit rien, la chanson qu'on va écouter tout de suite vous parle forcément puisqu'elle a été reprise par Mariah Carey, c'est Without You. No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Anymore. I can't live that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Harry Nilsson avec le titre Without You sur le 107 FM. Presque 8h43, on parle météo. La météo. Aujourd'hui, ce sera une journée ensoleillée avec un petit peu de ciel voilé, des températures comprises entre 6 et 8 degrés ce matin, entre 10 et 12 degrés cet après-midi. Jeudi sera une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 10 et 13 degrés prévus pour demain après-midi. Et vendredi, retour de la pluie, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin et entre 8 et 9 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on passe tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Jeux olympiques de la jeunesse et 8e médaille pour l'équipe de France décrochée en ski alpinisme avec le relais mixte. Un mot de tennis avec le tournoi d'Auckland et l'élimination de Manarino en 3-7 face à Andreas Seppi. Hugo Humbert, lui, s'est qualifié en 2-7 face à Cecchinato. Benoît Paire s'est qualifié en 3-7 face à Montero au tournoi d'Adélaïde. Herbert n'a pas joué, il a été remplacé par un autre Français, Robert, donc repêché en tant que Lucky loser, et malheureusement le Français s'est incliné en 3-7 face à Bolt. Jérémy Chardy s'est incliné ce matin face à Carreño Busta en 2-7. Il n'y a donc plus de Français en compétition au tournoi d'Adélaïde et au tournoi de Hobart. Alizé Cornet affrontera aujourd'hui Rybakina et Ferro sera opposé à Watson. Et a débuté hier les qualifications à l'Open d'Australie. Des qualifications qui font polémique en raison des incendies en Australie. L'air qui est irrespirable. Il y a déjà eu des abandons. De nombreux joueurs se plaignent sur les réseaux sociaux en se demandant ce qu'attend les responsables pour annuler tout simplement les matchs. La qualité de l'air est donc, oui, comme je vous le disais, irrespirable pour nos Français. Alors, hier, l'Estienne s'est qualifiée en 3-7. Il y avait un match franco-français entre Janvier et Hoang. C'est Janvier qui s'est imposé en 3-7 et a noté l'élimination de l'Amazine. Alors, aujourd'hui, il pleut. Il ne pleuvait pas en début de journée, mais là, ça y est, la pluie a fait son apparition. À Melbourne, il y a donc des matchs reportés, interrompus. Quentin Alice, lui, a pu jouer. Il s'est qualifié en 2-7 face à Santillane. Le match entre Benchetrit et Darcis a donc été interrompu. Et les matchs de Nicolas Mahut, Bourg et Muller ont tous trois été d'ores et déjà reportés à demain. Et Kwako devrait peut-être jouer face à Petrovic. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations concernant ce match. Et côté féminin, le match entre Paquet et Gracheva a donc été interrompu à cause de la pluie. Et au programme également, on a Ponche face à Minella. Donc, affaire à suivre pour cet Open d'Australie. Les résultats de la NBA. Cette nuit, l'équipe de Brooklyn de Luau Cabarro s'est inclinée face à l'Utah Jazz de Rudy Gobert, 107 à 118. 2.5 rebonds pour Luau Cabarro et 22 points, 18 rebonds pour Rudy Gobert. Et enfin, l'équipe de Phoenix de Okobo s'est inclinée face à Atlanta, 123 à 110. 3 points pour le Français. Un mot de handball, messieurs, avec l'Euro et la France qui termine, on va dire, sur une bonne note. En tout cas, elle ne sortira pas Fanny de cette compétition puisque les Français ont battu hier la Bosnie 31 à 23. On termine avec du biathlon. Aujourd'hui, c'est le sprint féminin sur l'étape de Ruppolding. Alors, le premier dossard sera sur les épaules de Frolina. Il s'en suivra ensuite dossard 2, Lisa Vitozzi, dossard numéro 3 pour Anaïs Bescon, le 5 pour Kaïsa Makaren, le 9 pour Anna Heuberg, le 11 pour Thierry Lecoff, le 15 pour Julia Simon, le 19 Roy Zeland, le 24 Justine Brezaz, 29 Dorothea Vireur, 54 Célia Aymonier, 84 Caroline Colombo et la dernière française à s'élancer sera Chloé Chevalier avec le dossard 101 et elles seront 107 à prendre le départ. Voilà pour l'actualité sportive, on va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec le groupe The Cranberries en hommage à Dolores O'Riordan décédée il y a 2 ans maintenant et on s'écoute eh bien leur titre Zombie. The Cranberries et le titre Zombie sur RGM. Presque 8h53, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Alors, nous sommes mercredi, donc à 10h, on se retrouve avec les Gents de l'IME de Saint-Amé. Et ensuite, à 20h, ce sera Nothing But The Blues de Radio Déclic. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous. Bye bye.